Chapitre 13 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1. Chapitre 13 Cérémonie de l'entrevue des rois. Il n'est sujet si vain qui ne mérite un rang en cette rhapsodie. À nos règles communes, ce serait une notable discourtoisie, et à l'endroit d'un pareil, et plus à l'endroit d'un grand, de faillir de vous trouver chez vous, quand il vous aurait averti d'y devoir venir. Voir, ajoutait la reine de Navarre Marguerite à ce propos, que c'était incivilité à un gentilhomme de partir de sa maison, comme il se fait le plus souvent, pour aller au-devant de celui qui le vient trouver. Pour grand qu'il soit, et qu'il est plus respectueux et civil de l'attendre, pour le recevoir, ne fût que de peur de faillir sa route, et qu'il suffit de l'accompagner à son partement. Pour moi, j'oublie souvent l'un et l'autre de ces vains offices, comme je retranche en ma maison autant que je puis de la cérémonie. Quelqu'un s'en offense, qui ferais-je? Il vaut mieux que je l'offense pour une fois, que moi tous les jours. Ce serait une suggestion continuelle. À quoi faire fuit-on la servitude des cours si on l'entraîne jusqu'en sa tanière? C'est aussi une règle commune en toute assemblée qu'il touche au moindre de se trouver les premiers à l'assignation, d'autant qu'il est mieux dû au plus apparent de se faire attendre. Toutefois, à l'entrevue qui se dressa du pape Clément et du roi François à Marseille, le roi, y ayant donné les apprêts nécessaires, s'éloigna de la ville et donna loisir au pape de 2 ou 3 jours pour son entrée et rafraîchissement, avant qu'il le vînt trouver. Et de même à l'entrée aussi du pape et de l'empereur à Boulogne, l'empereur donna moyen au pape d'y être le premier, et y survint après lui. C'est, disent-ils, une cérémonie ordinaire aux abouchements de tel prince, que le plus grand soit avant les autres au lieu assigné, voire avant celui chez qui se fait l'assemblée, et le prenne de ce billet, que c'est afin que cette apparence témoigne que c'est le plus grand que les moindres vont trouver, et le recherche, non pas lui eux. Non seulement chaque pays, mais chaque cité et chaque vacation a sa civilité particulière. J'y ai été assez soigneusement dressé en mon enfance, et ai vécu en assez bonne compagnie pour n'ignorer pas les lois de la nôtre française, et en tiendrai école. J'aime à les poursuivre, mais non pas si couardement que ma vie en demeure contrainte. Elles ont quelques formes pénibles, lesquelles, pourvu qu'on oublie par discrétion, non par erreur, on n'en a pas moins de grâce. J'ai vu souvent des hommes inciviles par trop de civilité et importuns de courtoisie. C'est au demeurant une très utile science que la science de l'entre-gens. Elle est, comme la grâce et la beauté, conciliatrice des premiers abords de la société et familiarité, et par conséquent nous ouvre à la porte à nous instruire par les exemples d'autrui, et à exploiter et produire notre exemple, s'il y a quelque chose d'instruisant et communicable. Fin du chapitre 13.